Déjà ? Moi j'en ai trop de guitare, je ferais mieux de bosser de guitare en fait. Thank you. Ouais. Bon, je vais manger, moi. Bon appétit. J'ai faim, j'ai bossé dur. Tout sur une corde. Tout sur une corde, la chanson.